J'aime le son du corps, les soirs au fond des bois. Soit qu'il chante les fleurs de la Michaud, la bois. Ou l'adieu du chasseur que l'écho fait l'accueillir. Et que devant les noms portent des feuilles en feuilles. Que de fois seulement l'ombre à minuit demeurait. Les souris de l'enfant les plus souvent pleuraient. Par le foyer où hurlaient ces bruits prophétiques qui précédaient la mort de par la terre antique. Aux montagnes d'azur, au pays adoré, roc de la Triana, cirque du Mamoré, cascade qui tombait des neiges entraînées, source grave et ruisseau torrent des Pyrénées. Mon gelé fleuri prend le nez de saison. Dans le front est de glace et le pied de gazon. C'est là qu'il faut s'asseoir, c'est là qu'il faut entendre les airs lointains de corps mélancoliques et tendres. Souvent voyageur lorsque l'air est de cette voix des rêves et retentir la nuit, à ses chants cadencés autour de lui se mêle l'harmonie aigre et l'eau du chêne à l'eau qui belle. Une biche attentive au lieu de se cacher se suspend immobile au sommet du rocher. Et la cascade unie dans une chute immense son éternelle plainte au chant de la romance.